Une matinée assassinée, avenue Victor Hugo. C'est une grande avenue à une heure creuse. Sur le calme ambiant, chaque événement sonore prend immédiatement du relief.